Roule libre et superbe entre tes larges rives, Rhin, Nil de l'Occident, coupe des nations, et des peuples assis, qui boivent tes eaux vives, emportent les défis et les ambitions. Il ne tachera plus le cristal de ton onde, le sang rouge du franc, le sang bleu du germain. Ils ne couleront plus, sous le caisson qui gronde, ces ponts qu'un peuple à l'autre étend comme une main. Les bombes et l'obus, arc-en-ciel des batailles, ne viendront plus s'éteindre en sifflant sur tes bords. L'enfant ne verra plus, du haut de tes murailles, flotter ces poitrails blonds qui perdent leurs entrailles, ni sortir des flots ces bras morts. Roule libre et limpide, en répétant l'image de tes vieux forts verdis sous leurs lierres épais, qui froncent tes rochers, comme un dernier nuage, fronce encore les sourcils sur un visage en paix. Ces navires vivants, dont la vapeur est l'âme, déploreront sur ton cours la crinière du feu. L'écume, à coups pressés, jaillira sous la rame. La fumée, en courant, léchera ton ciel bleu. Le chant des passagers, que ton doux roulis berce, des sept langues d'Europe, étourdira tes flots. Les uns, tendant leurs mains, avides de commerce, les autres, allant voir, au mont où Dieu te verse, dans quel nid le fleuve est éclos. Roule libre et béni. Ce Dieu qui fond la voûte où la main d'un enfant pourrait te contenir, ne grossit pas ainsi ta merveilleuse goutte pour diviser ses fils, mais pour les réunir.